On ne jeûne pas seulement pour dire « je demande Marie », ce n'est pas mauvais. Mais nous devons aussi apprendre, lorsque nous voyons que notre vie connaît un blocage, il faut faire l'examen, l'introspection. Quand tu connais des blocages dans ta vie, tu vois que tout semble bloqué dans tes affaires, au niveau de ton travail, au niveau de ton foyer. Il faut parfois apprendre à s'humilier, à faire un jeûne d'humiliation. C'est ce que les enfants d'Israël ont fait. Alors, nous allons voir ici quatre éléments importants que nous devrions appliquer pendant un tel jeûne. La première chose, nous devons apprendre à confesser nos péchés et les péchés même de nos parents. Ici, il est dit au verset 1, le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent, revêtus de sacs et couverts de poussière, pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Pourquoi confesser les péchés de nos parents? Il y a ce qu'on appelle parfois les péchés collectifs, c'est-à-dire les péchés, même si nous-mêmes on ne les a pas commis, mais parfois nos autorités, nos parents ont commis et ça affecte parfois la société dans laquelle nous vivons. Ça nous affecte nous-mêmes. Donc, il faut confesser nos péchés, ce que toi-même tu as fait, tes mensonges-là, ton impudicité, ton infidélité à Dieu. Hein? Je parle à quelqu'un, tu es plein de blocages au niveau de tes finances, mais ça fait combien de fois tu ne donnes plus ta dîme? Tu ne donnes même pas l'offrande, même quand Dieu t'est béni, tu penses seulement à autre chose. C'est tout ça qu'il faut confesser quand il y a des blocages financiers. L'infidélité à Dieu, les murmures, il faut confesser les péchés et les péchés des parents. La deuxième chose, pendant le jeûne, il faut se séparer de tout ce qui est étranger à la vie de Dieu. C'est-à-dire que tout ce qui nous suit, même parfois certaines relations. Je vais parler à une sœur, regarde bien. Tu es en train de cohabiter avec un monsieur. Vous savez que vous n'êtes pas encore marié. Ta situation n'est pas normale, elle ne plaît pas à Dieu. Et pendant que tu jeûnes là, tu dois te séparer. Lorsque vous voulez même régulariser le mariage, il est même conseillé parfois de vous séparer. Vous n'avez plus de rapports sexuels. Et puis, s'il faut même se séparer physiquement, comme ça, le Seigneur va vous agréer et vous allez commencer à prier pour que Dieu puisse vous aider. Si ça, c'est sa volonté, que vous puissiez vous marier de manière légale. Vous voyez, il faut se séparer parfois de certaines personnes, de certaines relations. Ici, il est dit, il se séparait des étrangères. Ici, pour nous, dans le Nouveau Testament, nous ne devons pas voir étranger par rapport à la nationalité. Étranger, c'est par rapport à la vie de Dieu. Vous voyez, nous séparer parfois des amitiés, du monde, des choses qui nous éloignent de Dieu. Troisième chose, pendant les jeûnes, nous devons passer beaucoup de temps dans la méditation de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens, ils jeûnent, c'est comme s'ils font une grève de faim. Mon ami, pendant que tu jeûnes là, tu dois avoir la Bible avec toi. Tu dois lire beaucoup la Bible. Regardez ici ce que les enfants d'Israël faisaient. Verset 3. On dit, lorsqu'ils furent placés, on lut dans les livres de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée. Mon ami, regarde un peu un quart de la journée. Si on prend la journée, par exemple, du matin jusqu'à 18h, cela veut dire que du matin jusqu'à 10h, environ 4h du temps, les gens étaient en train de lire la Bible. Je te pose la question, toi qui m'entends. Tu lis la Bible pendant combien de temps? Dans la journée. Mais combien de temps tu passes pour Facebook, pour les médias sociaux? Combien de temps tu passes pour regarder la télé? Parfois, c'est des films qui n'ont rien à voir avec ta vie chrétienne. Donc, il faut inverser la tendance. Pendant le temps de jeûne, là, il faut beaucoup lire la Bible, méditer la parole de Dieu, noter même ce que Dieu te dit. Et on dit, l'autre quart, ils confessèrent les péchés. Vous voyez, il y a un équilibre à faire entre la prière et la méditation de la parole de Dieu. Je prends du temps. La Bible, c'est comme mon miroir. Il me montre ce que je fais de mal et je commence maintenant à confesser mes péchés par rapport à ce que je viens de lire. Si ma vie n'est pas conforme, je demande pardon pour chaque élément. Vous voyez? Et puis, quatrième élément, pendant le jeûne, nous devons apprendre à bénir l'Éternel. Lui dire merci pour tout ce qu'il a fait aussi. Il est dit ici, au verset 5, « Et les Lévites, Josué, Kadmiel, Bani, Achabia, Sherebia, Odija, Shebania et Petacha dirent, « Levez-vous, bénissez l'Éternel votre Dieu, l'éternité en éternité. » Deuxième grande vérité, nous allons voir cette vérité sur Dieu. Vous voyez, la Bible nous révèle toujours qui est Dieu. C'est Dieu que nous prions, que nous invoquons. Cette vérité, première vérité, il est le créateur du ciel et de la terre. Il est dit au verset 6, c'est toi, Éternel, qui seul qui a fait les cieux des cieux et toute leur armée. Tu dois te rappeler que c'est lui le créateur. Deuxième vérité, c'est lui qui donne la vie à toutes choses. Vous voyez, il donne la vie. Il est dit, tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. C'est-à-dire, même les créatures, les plantes, c'est Dieu qui donne la vie à toutes ces choses. Même toi qui es là, c'est Dieu qui donne la vie. Toi qui es malade, oh, on a dit que tes cellules, oh, ton sang est pollué. J'aimerais te dire, tu peux invoquer ce Dieu-là, parce que c'est lui qui donne la vie. Il est capable de faire revivre encore, oui, tes cellules. Troisième vérité sur Dieu, il est le Dieu de l'Alliance, le Dieu qui a choisi Abraham et qui lui a fait des promesses. Un Dieu de l'Alliance, c'est un Dieu qui respecte, il tient ses promesses. Il est dit au verset 7, c'est toi éternel Dieu qui a choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi et tu fis alliance avec lui. Tu promis de donner le pays de Canaan et à la fin il dit, tu as tenu parole car tu es, vous voyez, tu as tenu parole. Le Dieu de l'Alliance là, quand tu as fait alliance avec lui, il a fait alliance avec toi, il va tenir ses promesses. Quatrième vérité, il est un Dieu juste, c'est-à-dire il est un Dieu qui justifie, mais lorsque tu commets le péché, l'iniquité, il punit. Cinquième vérité, il est le Dieu qui voit notre affliction. Quand on souffre, quand tu es persécuté, quand tu es maltraité, il voit l'affliction, il entend les cris. Lorsque les enfants d'Israël étaient persécutés par Pharaon, il a entendu leurs cris. Il est dit au verset 9, tu vis l'affliction de nos pères en Égypte et tu as entendu leurs cris vers la mer Rouge. Sixième vérité, il est le Dieu qui fraye un chemin. Il a frayé un chemin dans le désert, là où tout est difficile. Tu ne sais même pas comment trouver le travail. Tu ne sais même pas comment trouver le visa. Tu ne sais même pas comment, qui voir pour accéder, pour voir le ministre, pour entrer dans la cour du chef de l'État. Je vais dire à quelqu'un, Dieu va frayer un chemin pour toi. Et ton dossier qui est bloqué sera débloqué dans le nom de Jésus. Parce qu'il a frayé un chemin dans la mer Rouge. Et septièmement, il est le Dieu qui combat pour nous. Et il nous délivre de nos ennemis. Il est dit au verset 11, tu fendis la mer devant eux et ils passèrent à sec au milieu de la mer. Mais tu précipitas dans l'abîme comme une pierre au fond des eaux ceux qui marchaient à leur poursuite. Il a précipité Pharaon. Il est capable de précipiter ton Pharaon et de te délivrer. Nous allons le louer ce matin. Glorifions son nom en chantant ses cantiques. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Maladie, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Chômage, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Célibat, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Stérilité, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Tu as la victoire au nom de Jésus. est certaine par le sang de l'agneau. Et moi avec toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Malédiction, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Et moi avec toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Maladie, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Célibat, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Stérilité, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Gloire à Dieu, élevons nos voix tous ensemble, bénissons ce grand Dieu. Te glorifions, éternel notre Dieu, notre Père, toi qui nous aides à passer du temps dans ta présence. Nous voulons te prier en ce moment afin que tu nous aides à méditer ta parole jour après jour. Merci de nous aider à nous humilier devant toi par le jeûne et à méditer ta parole. Sois magnifié. Ô notre Dieu, notre Père, c'est que quand nous restons devant ta face, tu nous rappelles tes bienfaits. Tu es celui qui accomplit des grandes choses dans nos vies. Oui, tu es le Dieu qui accomplit des miracles. Oui, tu es celui qui a opéré des grands miracles et tu continues à les faire encore aujourd'hui. Tu es le seul vrai Dieu, le Dieu créateur du monde visible et invisible. Tout a été créé par toi et pour toi. Tu es celui qui donne la vie aux morts. Nous bénissons ton nom, ô notre Père, notre Seigneur. Sois béni, ô notre Seigneur. Toi, le seul vrai Dieu, le Dieu qui a traité une alliance avec nous, une alliance éternelle. Nous te bénissons pour cela. Nous te bénissons, ô notre Dieu, notre Père, pour ta fidélité. Que l'honneur te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sous la brèche. Le texte de base, c'est Néhémie chapitre 9, 1 à 11. Nous venons de voir dans ce passage l'importance du jeûne et comment jeûner. Nous devons confesser nos péchés, nous séparer de tout ce qui est mal, passer du temps dans la méditation de la parole de Dieu, bénir l'Éternel. Tu vas prier le Seigneur afin qu'il t'aide vraiment à jeûner selon lui, à confesser tes péchés, à te séparer de tout ce qui est souillé, tout ce qui est étranger à la vie de Dieu, à t'humilier devant lui afin que le Seigneur puisse agir dans ta vie. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force. Éternel Dieu, nous te bénissons et nous te glorifions pour tous tes hauts faits, pour tous tes bienfaits. C'est toi qui crées en nous la vie, le mouvement et l'être. Et nous ne cesserons jamais d'exprimer notre reconnaissance pour tous tes bienfaits. Nous prions ce matin, ô Père éternel, pour que tu puisses nous donner les moyens, la force pour renforcer nos capacités spirituelles par le jeûne et la prière. Nous prions, ô Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, et nous demandons que tu nous donnes la force de jeûner. Ceux d'entre nous qui ne peuvent pas jeûner, ceux d'entre nous qui ne savent pas comment s'humilier, nous demandons, ô Père éternel, par ta grâce et par ton Esprit Saint, procure la force à tes filles et à tes fils, afin qu'ils puissent s'adonner à cette activité de jeûne, à cette activité spirituelle qui nous aide à mieux nous rapprocher de toi, à mieux nous détacher du monde pour nous rapprocher de toi. Nous prions aussi au Père éternel, afin que tu nous donnes la force pour pouvoir marcher dans l'humilité, marcher dans la simplicité. Nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que tout orgueil est lié. Nous sommes débarrassés de toute forme d'orgueil, de toute forme d'élévation, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta force, afin que nous puissions avoir cette modération, cette tempérance, cette humilité pour jeûner et prier, afin de nous édifier spirituellement, pour contribuer ainsi à l'avancement de ton œuvre. Donne la force à ceux qui sont faibles, donne de l'énergie à ceux qui tombent en défaillance. Au nom de ton Fils Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir plusieurs vérités sur Dieu. Il est le Créateur. Il est le Dieu de l'Alliance. Il est le Dieu juste. Tu vas prier le Seigneur pour dire, Seigneur, tu es le Dieu de l'Alliance. Tu vas lui rappeler les promesses qu'il t'a faites. Pour dire, Seigneur, voici les promesses que tu m'as faites. Ça fait 5 ans, ça fait 2 ans. Accomplis tes promesses, parce que tu es le Dieu de l'Alliance. Prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous venons de voir aussi qu'il est le Dieu qui voit notre affliction. Quand tu es persécuté, quand tu es maltraité, il voit l'affliction. Mais il nous délivre de nos ennemis. Nous allons prier pour tous ceux qui vivent les moments d'affliction, des moments d'oppression, afin que ce Dieu qui voit l'affliction leur vienne au secours, qu'il les délivre de leurs ennemis et qu'il précipite leur pharaon spirituel comme il a précipité Pharaon de la mer Rouge. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons notre grand rendez-vous bonheur conjugal pour ce dimanche. Les célibataires sont attendus au CPE à partir de 16h. Nous allons poursuivre notre thème « Combattre l'esprit de Sambala qui s'oppose à mon mariage ». Premier service à 16h, deuxième service à 18h. Ceux qui viendront à Bonheur Conjugal auront la primeur du petit livret de jeûne et de prière spécial Jéricho 2016 à 500 francs. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB. Au revoir et à demain. Du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.